LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Il était une fois une princesse qui devint amoureuse. Mais ce fut très facile, je t'assure. On ne voyait que trop que le prince était charmant, que je ne pouvais aimer que lui. 19 décembre 2022, 6 jours avant Noël. Je me lève, je me pomponne, je me maquille, je cire mes chaussures. Bref, je me fais toute belle. Parce que ce matin, à 10h, j'ai rendez-vous à la mairie pour me paxer. Bon, j'avoue, c'est pas mon premier pax. Sur mon acte de naissance, en marge, on trouve une pelletée de pax et de mariage. Mais bon, quand même. Un pax, dans mon imaginaire de princesse, ça reste un engagement. 10h moins le quart, ça y est, je suis prête. Le seul élément manquant, c'est... c'est lui, en fait, hein. L'homme avec qui je suis censée me paxer. 10h moins 10, toujours personne. J'envoie un SMS. T'es où ? Je suis encore au lit. C'est pas vrai que t'as oublié ? Mais tout ne tourne pas autour de toi. Je n'ai pas su quoi répondre. De dépit, je lui ai dit « T'es vraiment un crapaud. » Parce qu'au fond, ce que j'attendais, c'était qu'il se transforme en prince. Mon ami reprendra pas à être aussi sympa quand j'ai fait de mon mieux tout charmant. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Béressy. Épisode 1, Un jour, mon prince viendra. Et bienvenue à La Pièce Théâtre. Aujourd'hui, les enfants, vous allez voir Cendrillon 2022. Bon spectacle. Tancrède, c'est un peu mon référent masculinité. Genre mâle blanc en cours de déconstruction. Quand j'ai des questions sur les hommes, c'est à lui que je les pose. Alors figure-toi que l'autre jour, je suis allée voir un spectacle de Cendrillon pour les tout-petits. Et en fait, ça raconte plein de trucs qu'on dénonce aujourd'hui. Ça raconte, par exemple, les relations toxiques. Tu sais, les deux demi-sœurs de Cendrillon, elles passent leur temps à la dénigrer et à saper son ego. Donc déjà, un, elles commencent par se faire broyer l'ego, mais complètement. Et il y a aussi autre chose, c'est... comment se fabrique l'imaginaire autour du prince charmant ? Parce que Cendrillon, quand tu regardes bien, c'est une nana qui est déclassée, dans le sens où, oui, elle est quand même de 100 hommes, mais elle fait quand même le ménage, donc elle est tout en bas de l'échelle. Et en même temps, elle rêve de quoi ? Elle rêve d'un mec qui a le pouvoir, puisque c'est le prince, qui est pété de thunes, puisque c'est le prince, qui est plus expérimenté qu'elle, puisque c'est le prince aussi, et qui va lui faire découvrir un monde nouveau. Et ce truc-là de Cendrillon, mais en fait, c'est toujours très présent. Il y a quand même cette idée qu'on va quand même pas s'enticher d'un prolo. Tout est dans les contes pour enfants. Hein. Un peu de la même manière, tu sais, dans La Belle au bois dormant. Tancrède Ramonet. On s'est beaucoup moqué des gens qui disaient que le baiser du prince charmant, alors qu'elle était endormie, pouvait être apparenté à un viol. Et donc, on disait quand même, faut pas exagérer, c'est quand même le prince charmant, il est classe et tout, donc avec toute une culture du viol qui se diffuserait. Or, dans l'origine du conte de La Belle au bois dormant, le prince couche avec la Belle au bois dormant pendant qu'elle dort. Et d'ailleurs, elle se réveille en accouchant. Et ces contes, à la fois, reproduisent une culture comme ça, qui est une culture machiste, sexiste, et une culture du viol. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est Cœur Grenadine ? Cœur Grenadine, c'est une vieille collection de livres, de romans d'amour, de romans à l'eau de rose qui ont bercé toute mon adolescence. Et je crois que j'ai tous lu, je crois que j'ai lu toute la collection, il devait y en avoir une trentaine. Sabrina Eringin, co-autrice de Nos amours radicales, 8 visions singulières pour porter un regard nouveau sur l'amour. Et c'était toujours un peu la même histoire avec ce garçon impossible à avoir, très taciturne, très complexe, et puis cette fille qui voulait être absolument amoureuse de lui. Parce que, évidemment, c'était notre destinée d'être amoureuse des garçons compliqués. Et donc, moi, je buvais ça comme du petit lait. Et à la fois, c'est dommage parce que c'est à ce moment-là, je pense que j'ai appris ce que ça voulait dire aimer quand on est une femme. En tout cas, bon, à l'époque, une jeune fille. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que ce soit compliqué, qu'il fallait que ce soit douloureux, qu'il fallait être rejeté. Et malgré le rejet, à tout prix cherchait à être aimé de celui qui était dur, voire violent des fois, hein, parce qu'il y avait, moi j'ai ce souvenir d'un Cœur Grenadine en particulier qui m'avait beaucoup touchée, où ce garçon était absolument exécrable, mais vraiment il était horrible, il insultait, il gaslightait, il provoquait cette jeune fille, et c'est terrible parce que ça devrait pas être comme ça, mais c'est ce que j'ai appris, et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant des années, je crois même que je continue encore à le faire. Tellement ça m'a conditionnée. Est-ce qu'on passe de Cœur Grenadine à la chiclite quand on grandit? Est-ce qu'on lit 50 nuances degrés ou on peut y échapper? Alors j'ai lu 50 nuances degrés et j'ai adoré ça évidemment. J'étais genre mais oui, c'est la suite de Cœur Grenadine bien évidemment. Quelle image ça donne de l'amour? En quoi est-ce que ça contribue à nous construire? Je pense que ça donne une image où l'homme est tout puissant et il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit d'être violent, il a le droit d'être méchant, il a le droit d'être un connard en fait. Voire plus c'est un connard et plus il est charismatique, plus on l'aime. Et ça devient un challenge. Ça devient un challenge qui est très douloureux. Et pour nous, en tout cas, les femmes, les imaginaires qu'on a du couple, bah c'est ça, c'est Cœur Grenadine, c'est les téléfilms de Noël. C'est tout le temps des jeunes femmes, souvent elles sont beaucoup plus jeunes en plus, hein, qui vont céder. Ou alors, cet homme taciturne, non, trop peu pour moi, je ne donne pas dans l'amour, excusez-moi, c'est pour les filles, salut, et qu'il faudrait, hacker finalement le code de ces hommes pour arriver à leur cœur, et en fait, ils vont juste détruire le nôtre. À quoi devez-vous votre succès? Je m'applique à garder le contrôle dans tous les domaines, mademoiselle Steele. Ça doit être un peu lassant. Incapable de vous laisser tranquille. Eh bien. Je suis Camille Emmanuel, je suis auteure et journaliste, et j'ai publié il y a quelques années un pamphlet qui s'appelle « Lettre à celle qui lit les romances érotiques et qui devrait arrêter tout de suite ». Alors, il y a tout dans le titre. Hein. L'idée, c'est qu'en fait, en job alimentaire, pendant un peu plus d'un an, j'ai écrit à la chaîne de la romance érotique, la new romance, appelée aussi mommy porn, enfin il y a plein de noms, sous pseudo. Et à la fin, j'en ai fait un petit pamphlet pour expliquer les coulisses de cette production éditoriale, pour expliquer justement comment c'était fabriqué, parce qu'on parle d'une fabrication type usine, hein, en fait, hein, une fabrique à fantasmes. Quand t'as écrit tous ces livres, c'était juste après le succès de 50 nuances degrés, hein, c'est ça, c'est le moment où tous les éditeurs cherchaient du mommy porn, enfin de la romance érotique. Tout à fait. Ce qui s'est passé, en fait, 50 nuances a créé un genre qui était un mélange entre de la chiclite, la littérature pour poulettes, chicken literature, type Le Diable s'habille en Prada, avec ce contexte très urbain, très contemporain, de meufs qui mangent des cupcakes, qui se font des brunchs, qui vivent dans des grandes villes, et de la littérature érotique traditionnelle avec la jeune femme qui rencontre, en l'occurrence, le milliardaire. Monsieur Gray va vous recevoir. Il est comment? Il est... poli. Très intense. Très brillant. Extrêmement intimidant. Quels sont vos centres d'intérêt en dehors du travail? Et vous? J'aimerais en savoir plus sur vous. Il n'y a vraiment pas grand-chose à savoir sur moi. Je veux dire, regardez-moi. Je vous regarde. Moi, quand je suis arrivée sur le marché, en tant qu'auteur, en tant que plume, voilà, de cette littérature, très vite, on m'a dit, la cible marketing, c'est 16-25. Et quand je lisais les commentaires sur mes romances, je voyais que c'était des filles de 17-18 ans qui commentaient, quoi. Alors, parfois aussi 25-30, mais la cible, c'était vraiment 16-25. Donc, du coup, toutes les références... Il n'y a pas beaucoup de références culturelles dans ces bouquins, mais il y a quand même des références, voilà, pop, etc. Même les marques, par exemple, je devais mettre du Vuitton, je devais mettre du Chloé, je devais mettre des marques qui ciblent plutôt les jeunes filles de 16-25 ans. Au départ, je mettais un mois à le faire, et à la fin, je mettais 10 jours. Parce que c'était tellement structuré, tellement bordé. J'avais un tableau Excel quand même avec les positions sexuelles autorisées ou interdites. Je savais que, par exemple, la scène de sexe devait arriver à tel chapitre, à tel nombre de signes. Au bout de 3000 signes du chapitre 4, il devait y avoir la scène de sexe. Donc tout était tellement structuré qu'il y avait une écriture quasi automatique par rapport aux demandes de la maison d'édition. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'on s'imagine littérature érotique, la liberté de l'auteur qui écrit voilà selon des fantasmes. Pas du tout. Petite parenthèse d'ailleurs, il m'avait inventé un pseudo. Bon, ça, pourquoi pas, à la limite, ça m'arrangeait. Mais il m'avait inventé aussi une biographie. Donc j'étais censée être une auteure américaine qui vivait à New York, qui était journaliste People. Et mon père était une ancienne rockstar et ma mère était chanteuse lyrique. Et j'avais 25 ans, je crois. Et en fait, j'habitais à Ménilmontant au-dessus d'un kebab. Donc j'étais là genre, bon, d'accord, on va dire que j'ai une auteure glamour américaine. J'ai eu une enfance difficile. Vous devriez m'éviter. Je ne fais pas tant de romantisme. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Alors initiez-moi. Et donc en fait, les règles de base, il y en a énormément, mais il faut que ça soit un milliardaire. Quel que soit son parcours, faut qu'il soit pété de thunes, vraiment. Des fois, je m'étais millionnaire et je me trompais, je me faisais taper sur les doigts. Milliardaire, faut vraiment que ça soit l'homme le plus riche du monde, quoi. Mais self-made man, attention, faut pas que ça soit un héritier, faut qu'il ait réussi par lui-même, qu'il ait à peu près 30 ans, il est extrêmement beau, mystérieux. Il a une faille intérieure qui fait qu'il peut pas tomber amoureux, mais quand même en rencontrant la jeune fille, il va tomber amoureux. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'avais fait une étude statistique pour moi après, quand j'avais arrêté. En regardant qui étaient les milliardaires dans le monde, bon déjà il y en a quand même 110% qui sont d'origine asiatique. Et là mon personnage, hein, il est super blanc, il vivait à Los Angeles, qui ont plus de 60 ans. Et des milliardaires de 30 ans, extrêmement beaux, avec des tablettes de chocolat, qui sont bronzés toute l'année en plus. Je sais pas pourquoi ils ont le temps d'aller aux Bahamas et sur leur île privée. Bah ça n'existe pas. Donc il y a ce personnage-là et la jeune femme qui va rencontrer ce milliardaire, soit parce qu'elle est stagiaire, soit parce que elle est dans une position inférieure, hein, forcément, super inférieure même parce que elle est au début à la vingtaine. Il faut qu'elle soit pas forcément vierge, mais en tout cas vierge amoureusement ou si elle a eu des histoires, c'était pas terrible. Il fallait que la lectrice s'identifie à cette girl next door. Et donc, faut pas qu'elle soit complètement conne, sinon on l'aime pas. Mais faut pas non plus qu'elle soit brillante, parce qu'il faut que ça soit grâce à l'homme qu'elle évolue. C'est lui qui va lui faire découvrir la vie. Il faut qu'à un moment donné, elle soit mise en danger, la jeune femme. Donc, elle est souvent enlevée. Et qui est-ce qui la sauve? Le milliardaire. Et voilà, leur amour va être empêché par la fameuse faille intérieure de cet homme. Moi, je devais trouver comme ça des failles intérieures. Donc, j'avais des histoires de frères jumeaux disparus, de machins, de trucs. Au niveau narratif, on est sur des choses assez concons. Hein. Mais c'est pas ça qui compte, puisque ce qui compte, ça, c'est la romance. C'est les scènes de sexe. Et là aussi, j'avais des guidelines. Il fallait que ça soit dans un contexte luxueux, dans des hôtels de luxe, dans des avions de luxe, dans tout devait sentir le luxe. Et que même la scène de sexe, même en elle-même, soit glamour. Et du coup, ça veut dire pas de fluide, pas de sperme, pas de cyprine, pas de sueur, pas de poils non plus. Et c'est l'homme qui donne du plaisir. La jeune fille n'en prend pas toute seule. J'avais écrit une scène de masturbation tout début de ma collaboration. Et l'éditrice me dit « Mais non, voyons, je sais pas quoi. » Je fais « Mais non, c'est le milliardaire qui doit la faire jouer. Elle peut pas jouer toute seule. » Ok, d'accord. Donc, on était en 2017 et une jeune femme de 20 ans ne se masturbait pas, évidemment. Ouais, c'était lui et sa verge turgescente. Voilà, donc il bande tout le temps. Il n'a pas de problème d'érection. Elle n'a jamais ses règles, évidemment. Elle trouve ça toujours super et elle jouit au bout de 4 minutes de pénétration, quoi. Donc, on est vraiment sur un format très réaliste de la sexualité féminine. La question que je me pose aussi, c'est jusqu'à quel point ce qu'on appelle amour, c'est pas aussi un échange économico-affectif. Ah mais bien évidemment, bien évidemment. Si t'as un capital beauté suffisant, tu peux finalement être transfuge de classe, quoi. Quand t'es une femme, c'est plutôt aisé. Il suffit après d'acquérir 2-3 codes et c'est bon, ça marche, quoi. Nadine de Rothschild. Voilà, c'est assez simple, quoi. En revanche, nous, ce qu'on va chercher chez un homme, c'est aussi la sécurité. Parce que si on n'a pas ce capital... parce que, attention, ce capital beauté, il faudrait qu'il soit quand même très conséquent. Hein. Ils sont très exigeants, les hommes. Alors qu'ils ressemblent à rien, mais ça, c'est un autre sujet. Mais nous, ce qu'on va chercher, c'est la sécurité plus que le capital beauté. On s'en fiche un peu. D'ailleurs, on est les premières à se dire « Oh, il me plaît pas vraiment tant que ça, mais il est gentil. » C'est un bon parti. C'est un bon parti. Il est bon à marier. C'est le gendre idéal. Et souvent, ça passe par, effectivement, la position sociale. Et moi, j'ai réalisé ça, que je faisais ça, il y a très peu de temps. Moi, je viens de classe ouvrière. J'ai grandi dans une extrême pauvreté. J'ai été très précaire toute ma vie, jusqu'à ce que je reprenne mes études et que je puisse avoir un travail meilleur. Et dernièrement, je me suis intéressée au type d'homme qui me plaisait. Et je leur ai demandé leur classe sociale. Alors c'est très drôle, j'ai une petite histoire à ce sujet, mais il y a quelques jours, il y a un mec qui m'aborde dans un café. Je n'étais pas du tout OP pour ça, mais je lui demande quand même sa classe sociale. Puis il me dit « Oui, je suis CSP plus moins ». J'étais genre « Ça n'existe pas, CSP plus moins, que je le sache ». Je lui dis « Non, en fait, que font tes parents ?» C'est ça que je veux savoir. Je dis « Oui, bah, mon père, il a fait HEC, ma mère, elle a une boîte de production de documentaires. Ok, donc tu es de classe bourgeoise. » C'est ça la réponse que je voulais. Et en fait, je me suis rendu compte que les hommes qui me plaisaient, ils étaient tous issus de la classe bourgeoise. Et je me suis dit « Merde !» Mais le pire, c'est que moi, mon plus gros complexe dans la vie, c'est pas mon nez, hein, ça c'est le deuxième, c'est ma classe sociale. Et en même temps, je suis là à chercher la validation de leur classe sociale, mais aussi parce que je me dis « Putain, ce serait chouette un mec qui aurait de la thune, quoi !» Pas se mentir, moi j'en ai jamais eu. Il y a deux endroits au monde où l'on ne parle que d'amour dans la littérature et les arts. C'est les pièces de Racine et les soap-opéras. Alors, je connais rien en soap-opéra, mais mon grand-père passait son temps à regarder ça. Et j'ai le souvenir de cette espèce de musique en fond où ça arrête pas de parler de qui se marie, qui trompe qui machin. Toi, t'as regardé du soap-opéra ou pas? Non, j'ai regardé du sitcom. Ah, oui, Hélène et les garçons. Si, j'ai regardé du soap-opéra, puisque quand j'étais enfant, il y avait Dallas. Et après, il y a eu Santa Barbara et j'ai regardé Côte Ouest. Et ton grand-père regardait quoi? Les Feux de l'amour? Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour, il regardait, c'était un ancien diplomate, ancien député. Et quand il est arrivé à un certain âge, il s'est mis à regarder les Feux de l'amour. Et alors, on pouvait rien faire. Au moment où les Feux de l'amour commençaient, tout le monde devait se taire. Et il fallait regarder les Feux de l'amour, quoi. Ou aller ailleurs. Quand je t'ai demandé ta main tout à l'heure, je m'y suis mal pris. Victor, tu n'es pas obligé. Non, tu as raison. Je suis un homme très chanceux. Je suis parti de rien et j'ai bâti un empire. J'ai une fortune, de très beaux enfants, des petits-enfants. Mais sans toi, tout cela ne vaut rien. Veux-tu m'épouser? Qu'est-ce que c'est un soap et pourquoi ça s'appelle soap? Un soap, c'est un feuilleton, originellement diffusé l'après-midi, qui s'adressait aux femmes au foyer et qui ont été conçus en fait comme des véhicules publicitaires. Delphine Chedaleux, historienne des médias, autrice de Du savon et des larmes, le soap opéra, une subculture féminine. Ils étaient financés au départ par des industriels, propriétaires de marques, de lessives, de savons, de produits d'hygiène, etc. Et ça, c'est l'origine du format. Et c'est pour cela qu'on appelle ça soap opéra. On a l'habitude de dire que ce sont des feuilletons sans fin parce qu'en fait, ce sont des histoires interminables. Le plus long soap de l'histoire du soap a été diffusé 72 ans, d'abord à la radio, puis à la télévision. Donc, ce sont des histoires interminables qui explorent de façon infinis, on pourrait dire, les rapports interpersonnels, familiaux, sentimentaux. Les personnages passent leur temps à discuter, à régler leurs problèmes, en fait, en discutant. Alors, en fait, ils les règlent jamais vraiment parce que un problème en entraîne un autre, un conflit en entraîne un autre, etc. Et c'est l'intérêt aussi du soap, hein, c'est de ne jamais rien résoudre et donc d'être toujours dans l'attente du prochain conflit. Tous les personnages passent leur temps à parler entre eux, y compris donc les hommes. Et ils parlent de quoi? Eh bien, ils parlent d'amour, de sentiments, d'eux et des autres, sous le prisme de l'intimité. Et ça, c'est un format un peu utopique, parce qu'ils réalisent le fantasme des femmes, en fait, qui est de pouvoir dialoguer avec leur partenaire masculin. Ce qui n'est pas, effectivement, tout à fait ce qui se passe dans la vraie vie, hein, la plupart du temps, en tout cas en régime hétérosexuel. Est-ce que le soap est vecteur de normes? Je pense entre autres aux normes amoureuses, mais aux normes familiales également. La famille y est centrale. Le couple hétérosexuel, la famille basée sur un modèle hétéro-patriarcal, si on peut le dire comme ça, est centrale. De même, le mariage y est vu comme une norme indépassable, comme l'aboutissement individuel. En même temps, tous les mariages sont voués à l'échec. La définition de l'amour, s'il devait y en avoir une qui ressort du soap, c'est l'ambivalence et l'instabilité, puisque l'amour y est à la fois décrit comme la quête ultime. Tout le monde passe son temps à chercher l'amour, en fait. Et il y est à la fois décrit comme un objectif inatteignable, hein, puisque lorsqu'on trouve l'amour, cet amour, finalement, il est voué à l'échec, au conflit. La norme dans les soaps, c'est pas le bonheur conjugal et familial, c'est plutôt le malheur, la destruction, le conflit, la trahison entre membres d'une même famille, etc. Et ce paradoxe, on peut penser qu'il est à l'origine de l'attrait qu'il exerce sur les spectatrices, hein, parce que, eh bien, à la fois, ils parlent de leur quotidien, hein, ils parlent d'elles, de ce qu'elles vivent, de l'environnement, du contexte dans lequel elles vivent, et en même temps, il permet aux spectatrices de se consoler, d'une certaine façon, de leur propre incapacité à réaliser cette norme absolue, ce fantasme de l'harmonie conjugale et de l'harmonie familiale. Tu t'es trompée, ça ne va pas? Mais elle a bu! Elle peut remercier le ciel, crois-moi. Amy doit s'en aller et elle partira dans la matinée. Ne me donne pas d'ordre! Notre fille de 15 ans va se baigner la nuit dans l'océan Pacifique, le ventre plein de whisky. Miracle, elle s'en sort! Je ne veux pas compter sur la chance la prochaine fois! Je trouve qu'Annie, c'est de la dynamite! Tu as entendu, n'est-ce pas? Si tu n'as pas assez d'autorité pour protéger nos enfants, alors je vais le faire. Alors où elle part dans la matinée, ou bien c'est moi. Et avec les enfants. Est-ce qu'on peut regarder du soap quand on est féministe? Oui, bien sûr. Il y a plein de raisons de regarder du soap quand on est féministe. Par exemple, c'est l'un des formats audiovisuels dans lequel on trouve la plus grande, sans doute la plus grande diversité de personnages féminins. Il est très rare, par exemple, d'avoir un format audiovisuel avec autant de femmes qui transgressent les normes de genre. Les méchantes, c'est vraiment un archétype du soap. Et ce sont des femmes qui, certes, sont méchantes, mais qui reçoivent autant d'attention que les autres personnages et qui sont hyper transgressives à l'égard des normes de genre, puisque tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Pouvoir, par ailleurs, qu'elles incarnent souvent physiquement. Alors, on peut penser à Joan Collins dans Dynasty, qui incarne Alexis Carrington et qui est en fait une femme virile, qui en tout cas physiquement incarne la virilité et le pouvoir, la puissance. De la même manière, on trouve dans les soaps beaucoup de personnages de femmes âgées qui ont une sexualité. Là, je pense par exemple à Plus belle la vie, On a des personnages de femmes âgées qui ont une sexualité. Hein. Princesse Cruella, c'est une femme âgée, une grand-mère, qui travaille pour un service de téléphone rose et incarne une dominatrice qui s'appelle donc Princesse Cruella. Donc, autrement dit, c'est une travailleuse du sexe. Peut-être aussi parce que les spectatrices sont aussi vieillissantes, quelque part. Puisque qui est à la maison à cette heure-ci, ben voilà, ce sont les femmes au foyer ou les femmes qui sont à la retraite. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une dominatrice? Bah, j'en ai croisé sur des sites du net, mais c'est la première fois que j'en vois une en vrai. Il faut que je vous intimide. Tu sais que c'est interdit de regarder Princesse Cruella avec concupiscence. Tu vas être puni. Je vais t'enfermer tout nu. Cabinet noir. Si on t'avait laissé la possibilité de changer ce cahier des charges, si par exemple ton éditrice avait dit « Allez, on fait un essai, pour une fois on va prendre un homme et une femme à égalité, je sais pas, deux profs par exemple, qui vivent dans un 40 mètres carrés et voilà », est-ce que les lectrices y auraient trouvé leur compte? Est-ce que finalement c'est érotique de s'aimer dans l'égalité? Est-ce que ça peut être érotique quand même? Moi je pense que oui. Je pense que ça peut vraiment être érotique. C'est plus facile de créer un truc érotique avec un homme mystérieux, dominant, qui va foutre des fessées et tout, parce qu'on est sur l'interdit, sur aussi des systèmes de violence, de refus, etc. Mais je pense qu'il est tout à fait possible d'écrire des choses érotiques, voire pornographiques, sans qu'il y ait un milliardaire qui rentre dans l'histoire, quoi. La vraie question, c'est par contre, et j'apporte un bémol à ce que je viens de dire, c'est que pour qu'il y ait à un moment donné il y ait l'érotisme, il faut qu'il y ait une tension et une forme d'interdit, une tension dramatique, sinon ça ne marche pas. J'ai fait l'exercice pour les éditions Carrière qui va sortir un recueil de nouvelles pornographiques où je voulais justement écrire une histoire. Je me dis, je vais écrire une histoire de cul, mais avec un couple qui est marié et qui est ensemble depuis 15 ans. Et qu'il y a des enfants et que tout ça. Bon, bah, j'ai pas réussi. C'était chiant. J'ai cherché l'amour dans les yeux des uns des autres, mais aucun n'a fait son lit dans mon nid de chercheuse d'or, des histoires des entre-deux. J'en ai eu des tas, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. C'était Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Un jour, mon prince viendra. Avec Camille Emmanuel, Delphine Chaudaleux et Sabrina Eringin. Avec la voix d'Alexandre Zurel. Remerciements à BCTA. Et tout de suite, un nouvel épisode de « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Des cris, des colères, des manipulations, des larmes et parfois du sang. Des violences encouragées par le fantasme des relations tumultueuses, véhiculées par notre culture romantique et ses représentations médiatiques. Nous baignons constamment dans cet imaginaire érotique de la dangerosité qui peut avoir des conséquences néfastes sur nos vies réelles. Mais un amour qui nous amène à perdre notre identité, nous noyer dans l'autre jusqu'à disparaître. Est-ce encore de l'amour ? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Une série documentaire d'Ovidi avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Béressi. Épisode 2, Amour toxique, amour fatal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'association AJC. Chantal Paoli-Texier, fondatrice et présidente, et notre docteur en psychologie spécialiste de la violence morale, Diane Arcoub. Alors pourquoi est-ce qu'on vient vous consulter ? Pour la plupart des cas, hein, je dirais 80-90% des cas, c'est quand les personnes se sont séparées d'une relation destructrice, toxique. Diane Arcoub. On a beaucoup de psychotrauma dans ce cadre-là, donc on intervient pour les aider, pour les accompagner, avec un soutien juridique et aussi une prise en charge plutôt psychotraumatologique et pour les aider à se positionner dans cette situation qui parfois dure des années. Comment est-ce qu'on reconnaît ce type de relation ? On parle de relation toxique déjà, est-ce que c'est le bon terme ? On peut employer le terme relation toxique, alors maintenant c'est un petit peu plus dévoyé, on va plutôt parler de relation de violence. Comment ça se manifeste, cette violence ? Si on prend une relation, je veux dire au départ, on va avoir quelques petits éléments. Par exemple, une relation qui va démarrer extrêmement vite, de façon extrêmement passionnelle, sur des bases qui sont pas forcément toujours les bonnes. C'est-à-dire qu'on va avoir, un compagnon ou une compagne, puisque les deux peuvent exister, qui va être extrêmement intrusif et qui va prendre toute la place en lui enlevant son autonomie. L'autre va vous accompagner partout, l'autre va vous coacher en permanence, sans vous laisser de liberté. Il va prendre un petit peu la main. Alors, au départ, c'est vécu comme quelque chose de très généreux. Et puis au fur et à mesure, une fois, deux fois, trois fois, c'est super. Mais à un moment donné, un adulte n'est pas quelqu'un qui doit être assisté. Parce que ça, à terme, ça peut donner... c'est pas la peine que tu travailles, de toute façon, ça n'apporte rien. En fait, et puis c'est pas hyper intéressant, et puis tu ferais mieux de t'occuper des enfants. Et par exemple, pour une femme, perdre son travail, de la même façon pour un homme, c'est aussi parfois perdre son identité sociale, c'est être enfermé à la maison, c'est ne plus avoir d'autres contacts que ceux qui sont liés effectivement aux enfants, et puis c'est perdre en partie une forme d'identité derrière. Donc ça peut en fait mener à une certaine forme d'enfermement. Dans la relation de violence, quand on continue un petit peu, on va avoir effectivement tout ce qui va être dénigrement. Sans moi, tu ne seras rien, ou tu n'es pas capable de faire ça, ou je te l'avais dit, tu sais pas faire. Et après, on commence avec des mots un petit peu plus vulgaires. Ce que tu fais, c'est de la merde. C'est jamais bien fait. C'est jamais ce qu'il fallait faire. C'est jamais au timing où il fallait le faire. Rien n'est jamais assez bien. Et en fait, il y a un des partenaires qui domine l'autre et qui va le dominer par des comportements qui sont violents. Elle ouvre les yeux et regarde à terre. Peureuse, elle regarde à terre. Il lui promet que c'était la dernière. Et elle ramasse ses affaires pour une envie si humaine d'avoir voulu être libre. Et c'était pas la première. La première crise, si c'est retenu. On a souvent tendance à penser que la violence ne se fait que par des actes, mais il y a aussi des non-actes. Ce qu'on appelle le silent treatment en anglais, c'est le fait d'ignorer son partenaire. Donc c'est ce qu'on appelle une mort sociale imposée à l'autre. On ne lui adresse plus la parole, il n'existe plus. Et donc en fait, là, il y a toute une cascade de réactions qui se font, puisque imaginez passer 5 jours avec une personne avec qui vous êtes marié, avec qui vous avez des enfants, et cette personne-là ne vous adresse plus la parole. Elle ne vous dit plus bonjour. Quand il faut passer le lait à table ou débarrasser, vous n'existez plus. Ça, c'est une violence qui est extrêmement importante pour une personne. Et puis également, le fait que la violence n'est pas proportionnelle. Quand on fait tomber, par exemple, une tasse par terre parce qu'on ne l'a pas vue, si on se fait traiter de pute, ce n'est pas proportionnel. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait exprès. L'autre peut effectivement être un peu agacé, énervé, mais il faut redescendre. Et une insulte comme ça, où t'es conne, on le retrouve très souvent, ça n'a rien à voir avec la situation. Est-ce que l'amour rentre encore en jeu là-dedans ? Est-ce que l'amour n'est plus là ? Il n'a jamais été là ? C'est une grande question. Alors, plutôt que de parler d'amour, je parlerais éventuellement de sentiments et d'affection. Mais je dirais plus de sentiments auto-centrés. Quand un auteur s'apprête à perdre sa compagne ou son compagnon, il ne revient pas pour le compagnon ou la compagne, il revient pour lui, parce qu'il a un manque, parce qu'il a besoin de cette relation. Quand on se décharge sur quelqu'un, qu'est-ce qui se passe après ? On a un apaisement, on se sent bien, c'est comme vomir. Vous vomissez, votre estomac est libéré, vous vous sentez beaucoup mieux après. Donc vous avez besoin d'une poubelle pour vomir. Quand votre compagnon, votre compagne, c'est la poubelle, vous en avez besoin parce que vous avez besoin de vous décharger. Il n'y a pas d'amour là-dedans, vous ne lui faites pas de bien. Ça continue de durer alors qu'elle lui dit on ne s'aime plus comme avant. Il continue dans son déni, il dit qu'ils vont de l'avant. J'ai été folle de t'aimer si fort, folle d'aimer fort. On fout la peur, la guette quand il crie trop fort, quand il se jette à son cou. La prise de conscience, elle est très longue. Souvent, la principale composante aussi d'une victime, c'est souvent le cas, c'est est-ce que c'est pas moi qui me fais des idées ? Est-ce que je suis dans le vrai ? Est-ce que voilà, je suis pas en train de faire un drame de quelque chose qui n'existe pas ? Oui, c'est vrai qu'il m'a insulté. Oui, c'est vrai que c'est pas normal. Mais je l'avais énervé, je n'avais pas fait ceci, je n'avais pas cela. Donc il y a une vraie remise en question pour les victimes. Et souvent, ce qu'on remarque, hein, c'est quand les enfants sont atteints. Là, il y a une prise de conscience parce que la victime se fasse en fait agresser, ça fait un petit peu longtemps en général qu'elle se fait agresser. Et quelque part, elle s'y est habituée. Et il y a une prise de conscience qui va se faire, soit parce que on va voir, soit parce que des professionnels vont le dire, soit parce que les enfants vont l'exprimer. Et effectivement, là, il y a quelque chose qui va tilter dans le cerveau. Et en fait, la prise de conscience, elle se fait à ce moment-là. Il y a des doutes, mais en fait, souvent, il y a une demande de confirmation aussi derrière. Qu'est-ce qui fait qu'on a des doutes, justement, et qu'il faut attendre que les autres nous disent « il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans ta relation ». Comment ça se fait qu'on n'est pas sûr, finalement, de subir ces violences ? De façon assez simple, parce que l'auteur vous dit que c'est de votre faute. Et puis, il minimise, en général, quand il y a une dispute violente, en général, rares sont les auteurs qui en reparlent après. La plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, en fait, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Donc, en fait, c'est comme si une bombe a explosé dans le jardin, et en fait, non. Finalement, il s'est rien passé. Le jardin est presque redevenu normal, donc c'est presque comme s'il y avait une forme d'hallucination. Et puis, la victime, ce qu'elle va entendre, c'est que si elle a pris une insulte, si elle a pris un dénigrement, c'est parce qu'elle n'a pas bien fait les choses. Donc, c'est elle qui est responsable. Et souvent, vous entendrez des victimes au départ, hein, quand il y a du déni. Oui, mais c'est un homme tellement gentil quand il n'est pas en colère. C'est un homme tellement gentil, tellement bien quand il n'est pas ivre. Est-ce qu'il peut y avoir cette sensation aussi de perdre pied et de se demander si on n'hallucine pas, en fait ? Alors oui, notamment, hein, un facteur explicatif ou une hypothèse hein, qui peut venir expliquer ça, c'est ce qu'on appelle la dissociation. Quand il y a des chocs qui sont trop importants, alors ça c'est plutôt du trauma, à un moment donné, le psychisme il va se désolidariser. Et souvent, il y a une espèce de ce qu'on appelle la déréalisation, la dépersonnalisation. On a l'impression que c'était de l'ordre du rêve, que c'est pas vraiment arrivé, qu'on n'y était pas, qu'on était déconnecté de soi. Et effectivement, c'est une mesure de protection que le psychisme met en place de façon automatique pour se protéger. Donc, le corps et le psychisme font tout ce qu'ils peuvent pour assurer la survie de l'individu. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. Si par exemple on a quelqu'un dans notre entourage qui est englué dans une relation violente, il faut pas lui dire non mais ton mec c'est vraiment un connard. Faut l'amener à réfléchir. Chantal Paoli Texier. Faut pas lui dire ton mec c'est un connard. Mais est-ce que tu trouves que cette situation est normale ? Si tu le voyais chez quelqu'un d'autre, comment tu te sentirais ? Donc en fait, il faut vraiment, c'est comme avec des enfants, il faut vraiment amener à réfléchir. Et ne pas s'attendre à ce que la victime dise « Ah ben oui, mais t'as raison, et puis c'est un connard. » Parce que ça, ça marchera pas. C'est idéaliste, c'est utopique. Donc on sème des graines. Petit à petit, elle va finir par élaborer ça dans sa tête et elle va transformer les petites bribes qu'on va lui donner. Puis elle va peut-être s'intéresser à un ouvrage, peut-être à une émission. Et tout ça, ça va faire boule de neige. Le problème qu'on a en tant qu'accompagnant, que ce soit un témoin, que ce soit un membre de la famille ou que ce soit même un ami, c'est qu'il ne faut surtout pas culpabiliser l'autre. Parce que la victime, elle est enferrée déjà dans sa culpabilité. Donc si on lui dit « mais je comprends pas pourquoi tu t'en sors pas », on referme tout. Là, on l'enferme complètement dans la culpabilité. Et là, elle n'a plus les moyens pour pouvoir s'en sortir. Donc en fait, le conseil principal, c'est garder les portes ouvertes, garder les bras ouverts. Et lui dire « je suis là ». Pour l'instant, écoute, t'as pas vu, t'as pas compris, mais c'est pas grave. Sache que moi, je suis là. J'imagine que parmi les personnes qui viennent vous voir, il y en a au bout de X semaines, X mois, voire X années, qui finissent par retourner avec l'auteur de violence. Comment vous le vivez ? Est-ce que vous le vivez comme un échec ? Non. Est-ce que vous vous dites « bon, bah, à bientôt » ? Comment vous le vivez, ça ? Alors, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'accompagner des femmes qui, au bout d'un an, ont retourné avec leur auteur et puis, au bout de deux ans, le quittaient à nouveau et revenaient nous voir en pleurant, en disant « j'ai fait une erreur ». Moi, j'estime que le parcours de la personne, c'est le parcours de la personne. Et que si elle se trompe, ben, ça fait partie de sa manière à elle d'apprendre les choses. Donc, on n'est pas là pour juger. Donc, si ça prend un an, cinq ans, dix ans, ça leur appartient. Donc, elles prennent leur décision. J'ai accompagné une jeune fille, c'était dans les prémices de l'association, j'ai accompagné pendant 3 ans. J'avais accompagné sa maman avant. Et sa maman qui me disait, mais je sais plus quoi faire, je sais pas comment faire pour qu'elle comprenne qu'elle vit de la violence. Donc, on avait élaboré des tas de choses pour que, ben justement, on la force pas à quitter cet homme, parce que ça sert à rien. Chaque fois qu'elle a été forcée à quitter cet homme, elle y est retournée aussi sec. Il est revenu la chercher, bien entendu, en pleurant. Et elle, elle est repartie en pleurant aussi. Et elle me disait tout le temps, Chantal, pourquoi je pars pas? Et moi, je lui disais, je pense que tu n'es pas prête. Un jour, ça viendra. Je peux pas te dire quand. Hélas, j'ai pas la science infuse. J'aimerais bien te dire demain, mais voilà, ça t'appartient, donc je peux pas te dire. Et un jour, elle me téléphone et elle me dit, ça y est, je suis partie. Alors, comme elle m'avait déjà fait le coup, je me suis un peu méfiée. Je lui ai dit, mais tu es vraiment, vraiment partie? Et elle me dit, oui, non, mais cette fois, je suis partie. Puis alors, je te jure que je n'y retourne plus. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a décidé? Et elle me fait, ah bah si tu me voyais... En fait, il lui avait donné un coup de poing dans la figure, alors qu'il était très, très, très prudent. Hein. Bon, il y avait des violences morales, mais il y avait aussi des violences physiques. Mais les violences physiques, il était très prudent parce qu'il prenait un journal ou un dico ou un bottin téléphonique. À l'époque, il y avait encore des bottins téléphoniques. Et il lui donnait des coups sur le ventre et des coups sur la tête. Pas de bleu. Aucun bleu. Et là, il lui avait donné un coup de poing dans la figure, il lui avait fracturé le nez. Et elle était inondée de sang. Et c'est ça, c'est en se voyant dans le miroir, avec le nez de travers, parce qu'il était vraiment cassé, et le sang, que là, ça a fait brusquement tilt. Et que là, elle est partie. Et elle n'y est plus jamais retournée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la quête d'amour, quand même, dans cette histoire, la volonté d'être aimée. Mais bien sûr. Mais tout ce qui anime les victimes, c'est la quête d'amour. Certaines parlent du prince charmant. Ils ont rencontré le prince charmant au début de la relation. Mais ça fait partie des mensonges de l'emprise. Ça fait partie du mirage. Nous, on appelle ça le brouillard toxique. Et certaines victimes vont vous dire « Mais j'ai connu l'amour à ce moment-là. » Et c'était ce à quoi je me suis accrochée pendant toute ma relation, c'est que je veux retourner vivre ce moment-là. Sauf que ce moment-là, c'est une illusion. France Inter. Elle s'en est allée comme dans un scénario de film dramatique. Marie Trintignant est morte ce matin à la clinique Hartmann à Neuilly. Elle était âgée de 41 ans. La comédienne a succombé aux coups violents qui lui ont été portés dimanche dernier par son compagnon Bertrand Cantat. Vilnius, nuit du 26 au 27 juillet 2003. Le musicien Bertrand Cantat frappe à mort l'actrice Marie Trintignant. Dans la presse, on ne parle pas encore de féminicide. On parle de crime passionnel, de passion destructrice, d'un amour à rendre fou. Et puis ils étaient si beaux. Peut-être que elle aussi, elle était un peu responsable, qui sait. Et puis les actrices, on sait comment elles sont alors. Hein. On peut comprendre que ça puisse faire perdre la tête à un homme. Durant cet été caniculaire de 2003, l'affaire est devenue le symbole de la romantisation de la violence. Mais t'as pas écrit une chanson, toi, justement, sur Bertrand Cantat et Marie Trintignant? J'ai pas compris, en fait, c'est parce que t'avais une vision romantique encore de ce qu'on appelait avant le drame passionnel ou pourquoi t'avais écrit une chanson là-dessus? Bon, disons pour être très honnête, Tancrède Ramonet, c'est au moment où j'ai eu mon deuxième chagrin d'amour que cette histoire est arrivée. Et c'est vrai que moi, j'étais en train de vivre une rupture qui se passait bien en fait. Ça se passait bien, on se rendait compte qu'on s'aimait plus et bah salut, voilà. Allez, chacun part de son côté. Et en fait, je trouvais ça sordide d'un autre côté. Je me disais, non, notre histoire d'amour, elle aurait mérité une fin plus grande qui aurait dû ressembler à l'histoire d'amour qu'on avait vécue. Et elle finissait en boudin, comme ça. Moi, j'arrive à la cinquantaine, je suis né à une époque où on parlait pas de féminicide, les violences sexuelles et sexistes, le harcèlement et tout ça n'étaient pas aussi dénoncés. Où on est encore pris dans des représentations, des systèmes et tout, qui sont ceux des temps anciens finalement, du patriarcat, de la domination masculine, de la masculinité toxique, etc., qui sont en nous, avec cette idée que le crime passionnel, le drame romantique, tout ça avait une espèce de beauté. Et dans le même temps, je voyais bien dans le récit qui se faisait au jour le jour, parce qu'on a suivi ça en direct, hein, c'est arrivé en 2003, juillet 2003, la première apparition comme ça archi-spectaculaire d'un féminicide à l'intérieur d'un couple, avec à ce moment-là les propos qui étaient « ça arrive quand on aime trop, il s'aimait trop », etc., etc. Et j'arrivais à décortiquer que c'était à la fois plus compliqué et plus simple, et qu'en fait, il y avait eu un homme qui avait battu une femme là-dedans. Mais j'étais complètement partagé là-dessus, c'est-à-dire à la fois à trouver qu'il y avait une forme de beauté là-dedans et à la fois me rendre compte que non, si on faisait bien attention, c'est quelque chose finalement, c'est une sorte de crime violent, brutal, mesquin. Et bon, la chanson que j'ai écrite, je te l'ai fait lire et tu m'as dit non, tu ne la publieras pas. Évidemment, ce qui s'est passé par la suite a éclairé aux yeux de tout le monde le fait qu'on avait affaire à un homme violent qui a tué, quoi. Qui a tué et qui a poussé quelqu'un à se tuer. Et qui a poussé au suicide, oui. Ils étaient trop beaux. Mais c'était trop beau. Et il faisait trop chaud. Rappelle-toi. Alors trop de textos. Avec trop de vodka. Quanta, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est l'arbre qui cache la forêt des 140 femmes qui meurent chaque année en France, assassinées par leur conjoint, mortes de volonté de contrôle et non d'amour. Car on ne tue jamais par amour. On tue lorsqu'on se confronte à cet insupportable constat. L'autre ne nous appartient pas. Mais on tue aussi parce qu'on s'y sent autorisé. Comment est-ce qu'on passe d'un événement qui, en apparence, appartient à la sphère privée à une considération plus large, plus politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'un meurtre dans la sphère privée peut être considéré comme un crime d'État ou un crime de masse ? Pendant très très longtemps, on a considéré finalement que le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme dans un contexte intime, c'était quelque chose qui relevait plus du crime passionnel, par exemple. Christelle Tarot, historienne, autrice de « Féminicide, une histoire mondiale ». On a pendant très longtemps employé des terminologies extrêmement problématiques, euphémisantes, comme crime passionnel, crime d'honneur, alors que, soyons clairs, il n'y a ni passion, ni amour, ni honneur à tuer une femme simplement parce qu'elle est une femme. Dans presque toutes les sociétés, à toutes les époques, en fait, les femmes ne se sont pas appartenues. Elles ont d'abord été des extensions, des possessions, voire des propriétés. Et donc le fait qu'elles ne s'appartiennent pas, qu'elles aient été toujours pensées comme des extensions des hommes, de leur famille d'abord, mais aussi de leur communauté ou des pays dans lesquels elles vivent, a conduit en fait à des formes d'appropriation qui sont extrêmement importantes. Et ça, c'est complètement essentiel pour comprendre en fait que le fémicide, vraiment le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme dans un contexte privé et domestique, est un crime de propriétaire. Parce que lorsqu'on parle de crime passionnel, on met en avant le fait que il se serait agi finalement d'un acte irréfléchi, pris dans la fougue, la passion, en particulier de l'adultère féminin, puisque c'est ça dont il s'agit, donc un acte de jalousie visant à rétablir l'honneur de l'homme. Mais en réalité, il ne s'agit pas de ça. Ça, c'est l'excuse, finalement. Il s'agit en fait d'une manière extrêmement brutale de rétablir l'ordre patriarcal. Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e à 1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit « Mes parents sont séparés depuis un an, je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et nanny, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux ou un week-end sur deux parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça ? J'aimerais bien comprendre. Je sais pas ce qu'on leur met dans la tête. Je reviens sur cette histoire de propriété. Donc la femme est la propriété de l'homme, l'enfant par extension est la propriété de l'homme également. Est-ce que ça explique que dans le cadre de féminicide actuel encore, les hommes vont aussi parfois tuer les enfants ? Est-ce que c'est là-dedans que ça s'inscrit ? Est-ce que c'est une histoire de propriété ? Absolument. Le Code civil marque de manière extrêmement claire que la famille est la propriété de l'homme. C'est-à-dire tous les membres de la famille sont sa propriété directe. Ce qui explique par exemple qu'au XIXe siècle, les femmes, malgré ce qu'on croit, malgré ce qu'on dit souvent, avaient, quand je dis les femmes, je veux dire les épouses, donc les fameuses femmes honnêtes entre guillemets, avaient finalement assez peu de droits sur leurs enfants, même si on leur déléguait une partie du pouvoir parce que les hommes étaient occupés ailleurs, mais c'était un pouvoir par délégation, c'était pas un pouvoir en tant que tel. Et le partage de l'autorité parentale, c'est très tard en France, hein, c'est les années 80. Donc il y a cette figure du pater familias, encore une fois, qui a droit de vie et de mort sur l'ensemble des membres de la famille. Donc ça comprend bien sûr l'épouse et les enfants. Ça comprend aussi le fait que, par exemple, lorsqu'un accouchement se passe mal, c'est le père qui décide quelle vie il faut privilégier. Faut-il privilégier la vie de l'enfant à naître ? Faut-il privilégier la vie de la femme ? Et on sait par de nombreuses études que les hommes... Pas tous, évidemment, ne généralisons pas, mais qu'on avait tendance à privilégier la vie de l'enfant à naître sur la vie de la femme, puisque la femme, évidemment, pouvait être remplacée. Mais ce qui est très frappant, en fait, lorsqu'on voit les féminicides d'aujourd'hui, en gros, ils le disent très clairement, ils disent « c'était ma chose, elle m'appartenait, il était insupportable pour moi qu'elle parte ». Le vocabulaire qui est employé par les hommes est sidérant. Et par ailleurs, il y a très très peu de culpabilité et de remords. Ouvre-moi ! Ouvre ! Ouvre-moi cette porte ! Comment est-ce qu'on met fin définitivement à la romantisation de la violence et à la romantisation du crime passionnel ? Alors ça, c'est très intéressant parce que ça a aussi une histoire. Quand on a commencé vraiment à être dans cette logique de romantisation, c'est quand la presse s'est développée, et en particulier la presse de faits divers. Et il faut attendre le 19e siècle dans les pays occidentaux pour voir en fait cette presse, qui est une presse écrite évidemment à ce moment-là, se développer. Et cette presse fait mais vraiment ses choux gras en fait de ces, entre guillemets, faits divers. Évidemment, on n'emploierait plus du tout ces terminologies aujourd'hui. Et on a romantisé l'homme violent, mais pas seulement cette catégorie-là, parce que c'est, par exemple, la même presse va aussi romantiser les premiers serial killers, les Jack l'éventreur, les Landru, les Vacher, les etc. C'est la même logique en fait qui concourt à ça, et là aussi c'est extrêmement problématique parce que en fait on sait que les serial killers sont à 90% des tueurs de femmes. Donc tout ça participe de la même logique et ça nécessite en fait que nous ayons une action concrète presque quotidienne. Le meilleur exemple de ça, c'est l'affaire Marie Trintignant. Encore aujourd'hui, moi j'entends des gens me dire que c'est une affaire passionnelle, comme si c'était une excuse. Et c'est bien ça le problème. Et c'est pour ça qu'il ne faut plus employer ces terminologies, parce que dans notre esprit, nous avons été tellement conditionnés finalement à considérer qu'un crime passionnel excuse l'homme violent, l'homme criminel, que si on continue à employer ces expressions... Eh bien, on ne change pas de paradigme. Et nous, on a besoin de changer de paradigme, c'est-à-dire de comprendre que dans une relation amoureuse, la violence est inexcusable et doit être bannie totalement. Pour sortir de ça, il faut travailler sur l'ensemble des aspects du continuum féminicidaire. C'est notre seule solution et la seule manière d'en sortir, c'est le projet politique de destruction des régimes patriarcaux. Parce que sinon, c'est un cachet d'aspirine pour une tumeur au cerveau. Quoi. Absolument. Mmh. Exactement. C'est-à-dire que, incontestablement, si on continue à vivre individuellement et collectivement dans des systèmes qui reposent sur des valeurs, qui sont les valeurs de la masculinité hégémonique, c'est-à-dire la violence, l'agression, la prédation, la conquête, la domination, la loi des mâles, la loi des chefs, la loi des guerriers, on est morte. C'était « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Amour toxique, amour fatal. Avec Diane Arcoub, Chantal Paoli-Texier et Christelle Tarot. Remerciements, Association AJC. Documentation Radio France, Antoine Vuillose. Archivina, Mylène Touché. Prise de son, Thibaut Nassim Ben, Mathieu Tourin, Lucien Lefebvre, Guillaume Ledu, Alexandre Bucois et Claire Levasseur. Mixage, Manuel Couturier. Attaché de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancred Ramonet, réalisée par Julie Bérécy. Il était une fois une princesse qui devint amoureuse. France Culture invite la féministe, réalisatrice et autrice Ovidie à déconstruire les codes amoureux. Pour LSD, la série documentaire, épaulée par son acolyte Tancred Ramonet, elle tente de définir les multiples représentations romantiques qui envahissent notre époque. Je me suis rendu compte que les hommes qui me plaisaient, c'était tous issus de la classe bourgeoise. Et je me suis dit, merde! Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Un podcast d'Ovidie réalisé par Julie Bérécy sur franceculture.fr et l'appli Radio France.